5. L'enfer des vivants. Il y avait 8 jours à la Bastille, dont chacune avait son nom et se composait de 6 étages éclairés, chacun d'une seule fenêtre. Une grille au dehors, une grille au dedans, laissaient voir seulement de la salle une chambre carrée, formée par l'épaisseur du mur, et du fond de laquelle on pouvait puiser l'air respirable. L'abbé avait été placé dans la tour de la Bretinière. Les autres s'appelaient tour de la Brotaudière, de la Comté, du Puy, du Trésor, du coin de la Liberté. La 8e s'appelait la tour de la Chapelle. On n'en sortait généralement que pour mourir, à moins qu'on y descendît obscurément dans ces oubliettes fameuses dont les traces furent retrouvées à l'époque de la démolition. L'abbé de Bucquoy resta quelques jours dans les salles basses de la tour de la Bretinière, ce qui prouvait que son affaire paraissait grave, car autrement les prisonniers étaient mieux traités d'abord. Son premier interrogatoire, auquel présida d'Argenson, détruisit la pensée qu'il fut absolument le complice des faux-sonniers de Soissons. De plus, il s'appuya des hautes relations qu'avait sa famille, de sorte que le gouverneur Bernardville lui fit une visite et l'invita à déjeuner, ce qui était d'usage à l'arrivée pour les prisonniers d'un certain rang. On mit l'abbé de Bucquoy dans une chambre plus élevée et plus aérée où se trouvaient d'autres prisonniers. C'était à la tour du coin, lieu privilégié placé sous la surveillance d'un porte-clés nommé Rue, qui passait pour un homme plein de douceur et d'attention pour les prisonniers. En entrant dans la salle commune, l'abbé fut frappé d'étonnement, en regardant les murs peints à fresque, d'y trouver une image du Christ singulièrement défigurée. On avait dessiné des cornes rouges sur sa tête, et sur sa poitrine était une large inscription qui portait ce mot « mystère ». Une inscription charbonnée se lisait au-dessous, « La Grande Babylone, mère des impudicités et des abominations de la terre ». Il est évident que cette inscription avait été formulée par un protestant précédemment captif dans ce lieu, mais personne depuis ne l'avait effacée. Sur la cheminée, on distinguait une peinture ovale, représentant la figure de Louis XIV. Une autre main de prisonnier avait inscrit autour de sa tête « crachoir », et l'on distinguait à peine les traits du souverain effacés par 1000 outrages. L'abbé de Bucquoy dit au porte-clés « Rue, pourquoi permet-on ici de pareilles dégradations sur des images respectées ?» Le porte-clés se prit à rire et répondit que s'il fallait châtier les crimes des prisonniers, il faudrait rompre et brûler tout le jour, et qu'il valait mieux que des gens d'esprit vissent à quel point l'exagération d'idées pouvait porter des fanatiques. Les habitants de cette tour jouissaient d'une liberté relative. Ils pouvaient, à certaines heures, se promener dans le jardin du gouverneur, situé dans un des bastions de la forteresse et planté de tilleuls, avec des jeux de boules et des tables, où ceux qui avaient de l'argent pouvaient jouer aux cartes et consommer des rafraîchissements. Le gouverneur Bernardville cédait à un cuisinier, moyennant un droit, les bénéfices de cette exploitation. L'abbé de Bucquoy, qu'on était assuré cette fois de retenir, et qui avait fait agir des amis puissants, se trouvait faire une partie de ce cercle favorisé. On lui avait fait passer de l'or, ce qui n'est jamais mal reçu dans une prison, et il était parvenu, en perdant quelques louis aux cartes, à se faire un ami de Corbet, le neveu du précédent gouverneur, M. de Saint-Mars, qui conservait encore une haute position sous Bernardville. Il n'est pas indifférent, peut-être, de dépeindre ce dernier, d'après la description physique qu'en a donnée un des prisonniers de la Bastille, plus tard réfugié en Hollande. Il a des yeux verts enfoncés sous 2 sourcils épais et qui semblent de là lancer le regard du basilic. Son front est ridé comme une écorce d'arbre sur laquelle quelques muftis a gravé l'Alcoran. C'est sur son teint que l'envie cueille ses sourcils les plus jaunes. La maigreur semble avoir travaillé sur son visage à faire le portrait de la lésine. Ses joues plissées comme des bourses à jetons ressemblent aux gifles d'un singe. Son poil est d'un roux alezan brûlé. Quand il était chevalier de la Mandille, laquais, il portait ses cheveux plats frisés comme des chandelles. Il a renoncé à cette coquetterie. Quoiqu'il parle rarement, il doit bien s'écouter parler, car il a la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Pourtant, elle ne s'ouvre que pour prononcer des arrêts monosyllabiques, exécutés ponctuellement par les satellites qu'il a su se créer. Bernardville avait réellement fait partie de la maison du maréchal Bellefond et porté la mandille, c'est-à-dire la livrée. Mais à la mort du maréchal, il avait su se mettre dans les bonnes grâces de sa veuve, dont les enfants étaient encore jeunes, et c'est par sa haute protection qu'il avait obtenu la direction des chasses de Vincennes, ce qui impliquait une foule de profits et l'intendance des pavillons et rendez-vous de chasse, où les gens de la cour faisaient de grosses dépenses. Ceci explique le terme de mépris, dont on se servait envers lui en l'appelant gargotier. C'était, disait-on encore, dans les libres conversations des prisonniers. Un laquais, qui, à force de monter derrière les carrosses, s'était avisé de se planter dedans. Mais nous ne pouvons nous prononcer encore avant d'avoir apprécié les actes du dit Bernardville, et il serait injuste de s'en tenir au récit exagéré des prisonniers. Quant au nommé Corbet, son assesseur, voici encore son portrait, tracé d'une main qui sent un peu l'école de Cyrano. Il avait un petit habit gris de rat de Nîmes, si pelé qu'il faisait peur aux voleurs, en leur montrant la corde. Une méchante culotte bleue, tout usée, rapiécée par les genoux, un chapeau déteint, ombragé d'un vieux plumet noir tout plumé, et une perruque qui rougissait d'être si antique. Sa mine basse, encore au-dessous de son équipage, l'aurait plutôt fait prendre pour un pousse-cul que pour un officier. L'abbé de Bucquoy, jouant au piquet avec Renneville, un des prisonniers, sous un berceau en treillage, lui dit « Mais on est très bien ici, et avec la perspective d'en sortir prochainement, qui voudrait tenter de s'en échapper ?»« La chose serait impossible, » dit Renneville, « mais quant à juger du traitement qu'on le reçoit dans ce château, attendez encore. »« Ne vous y trouvez-vous pas bien ?»« Très bien pour le moment. J'en suis revenu à la lune de miel, où vous êtes encore. » »« Comment vous a-t-on mis ici ?»« Bien simplement, comme beaucoup d'autres. » Je ne sais pourquoi, mais vous avez bien fait quelque chose pour entrer à la Bastille. Un madrigal. Dites-le-moi, je vous en donnerai franchement mon avis. C'est que ce madrigal est suivi d'un autre, parodié sur les mêmes rimes, et qui m'a été attribué à tort. C'est plus grave. En ce moment-là, Corbet passa d'un air souriant en disant « Ah, vous parlez encore de votre madrigal, monsieur de Renneville. Mais ce n'est rien, il est charmant. » « Il est cause qu'on me retient ici, dit Renneville. Et vous plaignez-vous du traitement ? Le moyen ?» Quand on a affaire à d'honnêtes gens. » Corbet, satisfait, alla vers une autre table avec son implacable sourire. On lui offrait des rafraîchissements qu'il ne voulait jamais accepter. De temps en temps, il lançait des regards aux fenêtres de la prison, où l'on pouvait entrevoir les formes vagues des prisonnières. Et il paraissait trouver que rien n'était plus charmant que l'intérieur de cette prison d'État. « Et comment, dit l'abbé de Bucquoy à Renneville, en faisant les cartes, était construit ce madrigal ?»« Dans les règles du genre. » Je l'avais adressé à monsieur le marquis de Torcy afin qu'il le fît voir au roi. Il faisait allusion à la puissance réunie de l'Espagne et de la France, combattant les alliés, et se rapportant en même temps au principe du jeu de piquet. Ici, Renneville récita son madrigal qui se terminait par ces mots adressés aux alliés du Nord, combattant l'Espagne et la France. Vous trouverez capot, quinte et quatorze en main. Cela voulait dire Philippe V, quinte et Louis XIV. C'est bien innocent, dit l'abbé de Bucquoy. « Mais non, répondit Renneville, cette chute en octave et en alexandrin a été admirée de tout le monde. Mais des malveillants ont parodié ces vers en faveur des ennemis, et voici leur version. Nous ferons un repique, et l'Espagne et la France se trouveront capot, quinte et quatorze en main. Or, monsieur le comte, comment est-il possible que j'aie écrit moi-même la contrepartie de mon madrigal, et encore en ne conservant pas la mesure de l'avant-dernier vers ?»« Cela me paraît invraisemblable, dit l'abbé, je m'en assure, étant moi-même un poète aussi. » « Eh bien, monsieur de Torcy m'a envoyé à la Bastille sur un si petit soupçon. Cependant, j'étais appuyé par monsieur de Chamillard, auquel j'ai dédié des livres, et qui n'a cessé de me faire des offres de service. »« Quoi ?» dit l'abbé, pensif. « Un madrigal peut conduire un homme à la Bastille ?»« Un madrigal ? Mais un distique seulement peut en ouvrir les portes. Nous avons ici un jeune homme, dont les cheveux commencent à blanchir, il est vrai, qui, pour un distique latin, s'est vu retenir longtemps aux îles Sainte-Marguerite. Ensuite, lorsque monsieur de Saint-Mars, qui avait gardé Fouquet et Lauzun, fut nommé gouverneur ici, il l'amena avec lui pour le faire changer d'air. Ce jeune homme, ou si vous voulez cet homme, avait été un des meilleurs élèves des jésuites. Et ils ne l'ont pas soutenu. Voici ce qui est arrivé. Les jésuites avaient inscrit sur leur maison de Paris un distique latin, en l'honneur du Christ, voulant plus tard s'assurer l'appui de la cour contre les attaques de certains robins ou cabalistes assez puissants. Ils se résolurent à donner une grande représentation de tragédie avec cœur, dans le genre de celle qu'autrefois on donnait à Saint-Cyr. Le roi et madame de Maintenon accueillirent avec bienveillance leur invitation. Tout dans cette fête était conçu de manière à leur rappeler leur jeunesse. Faute de jeunes filles, qui ne pouvaient fournir la maison, on avait fait habiller en femmes les plus jeunes élèves, et les chœurs et ballets étaient exécutés par les sujets de l'opéra. Le succès fut tel que le roi, ébloui, charmé, permit au révérend père d'inscrire son nom sur la porte de leur maison. Elle portait cette inscription « Collegium Claro Montanum Societis Jésus », en remplaçant ces mots par ceci « Collegium Lodovici Magni ». Le jeune homme dont nous parlons inscrivit sur le mur un distique dans lequel il fit remarquer que le nom de Jésus avait été remplacé par celui de Louis le Grand. C'est ce crime qu'il expie encore ici. Mais, dit l'abbé de Bucquoy, il nous est impossible de nous plaindre beaucoup des rigueurs de cette prison d'État. J'ai souffert un peu dans le cachot, mais maintenant, sous cette tonnelle, appréciant la chaleur d'un vin de Bourgogne assez généreux, je me sens disposé à prendre patience. Je prends patience depuis 4 ans, dit Renneville, et si je vous racontais ce qui m'est arrivé, je veux savoir ce qu'on a pu faire contre un homme coupable d'un madrigal. Je ne me plaindrais de rien si je n'avais laissé mon épouse en Hollande. Mais passons, arrêté à Versailles, je fus conduit en chaise à Paris. En passant devant la Samaritaine, je tirai ma montre et je constatai par la comparaison qu'il était 8 heures du matin. L'exemple me dit « Votre montre va bien ». Cet homme ne manquait pas d'une certaine instruction. « Il est fâcheux, me dit-il, que je me sois vu forcé de vous arrêter, et cela est entièrement contre mon inclination. Mais il fallait remplir les derniers devoirs de la place que j'occupais avant de devenir ce que je suis dès à présent, c'est-à-dire écuyer de la duchesse de Lude. Je m'appelle de Bourbon. Mon emploi d'exemple cesse à dater d'aujourd'hui, et désormais réclamez-vous de moi en cas de besoin. » Cet exemple me parut un honnête homme, et passant au bas du Pont-Neuf, je lui offris à boire, ainsi qu'aux 3 hoquetons qui nous accompagnaient, et qui portaient brodée sur leur côte d'armes la représentation d'une masse hérissée de pointes avec cette devise « Monstrorum terror ». Je ne pus m'empêcher de dire, pendant que je buvais avec eux, « Vous êtes la terreur et je suis le monstre ». Ils se prirent à rire, et nous arrivâmes tous à la Bastille en belle humeur. Le gouverneur me reçut dans une chambre tendue de damas jaune avec une crépine d'argent assez propre. Il me donna la main et m'invita à déjeuner. Sa main était froide, ce qui me donna un mauvais augure. Corbet, son neveu, arriva en papillonnant et me parla de ses prouesses en Hollande et des succès qu'il avait eus plus tard dans les courses de taureaux à Madrid, où les dames, admirant sa bravoure, lui jetaient des œufs remplis d'eau de senteur. Le déjeuner fini, le gouverneur me dit « Usez de moi comme vous le voudrez ». Et il ajouta, parlant à son neveu, « Il faut conduire notre nouvel hôte au pavillon des princes. Vous étiez en grande estime près du gouverneur, dit en soupirant l'abbé de Bucquoy. Le pavillon des princes, vous pouvez le voir d'ici. C'est au rez-de-chaussée. Les fenêtres sont garnies de contrevents verts. Seulement, il y a 5 portes à traverser pour arriver à la chambre. Je l'ai trouvé triste, quoiqu'il y eut une paillasse sur le lit, un matelas, et autour de l'alcôve, une pente en brocatelle assez fraîche. Plus encore 3 fauteuils recouverts en bougrand. Je ne suis pas si bien logé, dit l'abbé de Bucquoy. Aussi, je ne me plaignais que de manquer de serviettes et de draps, lorsque je vis arriver le porte-clés rue avec du linge, des couvertures, des vases, des chandeliers, et tout ce qu'il fallait pour que je puisse m'établir honnêtement dans ce pavillon. Le soir était venu, on m'envoya encore 2 garçons de la cantine guidés par Corbet, qui m'apportaient le dîner. Il se composait d'une soupe au pois vert garnie de laitue et bien mitonnée, avec un quartier de volaille au-dessus, une tranche de bœuf, un godiveau et une langue de mouton. Pour le dessert, un biscuit et des pommes de Rainette. Vin de Bourgogne. « Mais je me contenterai de cet ordinaire, dit l'abbé. » Corbet me salua et me dit « Payez-vous votre nourriture, ou en serez-vous redevable au roi ?» Je répondis que je paierais. N'ayant pas grand faim après le déjeuner que m'avait offert le gouverneur, j'avais prié Corbet de s'asseoir et de m'aider à tirer parti du plat. Mais il me répondit qu'il n'avait pas faim, et ne voulut même pas accepter un verre de Bourgogne. « C'est son usage, dit l'abbé de Bucquoy. Une cloche avertit les prisonniers qu'il fallait rentrer dans leur chambre. « Savez-vous, dit Renneville en rentrant à l'abbé de Bucquoy, que ce Corbet est un homme à femme ? Comment ce monstre ? Un séducteur, un peu pressant seulement envers les dames prisonnières. Nous avons eu hier une scène fort désagréable dans notre escalier. On entendait un bruit énorme dans les cachots qui sont à la base de la tour. Ce bruit finit par s'apaiser. Nous vîmes remonter le porte-clés rue avec ses culottes teintes de sang. Il nous dit « Je viens de sauver cette pauvre Irlandaise à laquelle monsieur de Corbet voulait plaire. Il l'avait envoyée au cachot, sur le refus qu'elle avait fait de recevoir ses visites. Et comme elle refusa, là encore, de le recevoir, on résolut de la placer à un étage inférieur. Elle résista lorsqu'on voulut l'y conduire, et les gens qui l'emportèrent la traînèrent si maladroitement que sa tête rebondissait sur les marches des escaliers. J'ai été taché de son sang. On l'avait prise dans son lit à 2 minutes, et Corbet, qui dirigeait cette expédition, ne lui fit pas grâce d'une seule de ses tortures. « Est-elle morte ? » dit l'abbé de Bucquoy. « Elle s'est étranglée cette nuit. »